Du Tostaki, de Noir Désir au Pretender des Foo Fighters, préparez vos neurones, montez le son et prévenez les voisins. Ce soir, c'est le White dans Pop and Rock sur la très locale RVR. Ce soir, 21 grammes nous rend heureux comme ce soir d'avril où ils ont enflammé le VNB de Rouen pendant une heure de rock. Vous avez aimé ? Alors rendez-vous le vendredi 20 mai au local face au bâtiment de Michelin, route de Charlieu. Petite info, ils seront bientôt dans Pop and Rock pour une petite interview. Dans l'urgence, se laisser toucher, se laisser crier. Black Maria chantait les traces il y a bien longtemps. Aujourd'hui, plus trace d'eux et c'est bien dommage. Par contre, les parigots de No One Is Innocent, ils sont toujours là et toujours aussi vigoureux sur scène. On voudrait que ça gronde sans agiter ses ailes. Voici le nouveau monde des combattants virtuels. Welcome sur le forum de révolution.com, de l'action par email, des pavés en pixels. La souris se déplace, elle se bouge à ta place. L'oxygène en stock, et puis changer le monde sans changer d'univers. L'international piégé dans la toile, c'est quoi l'action par email des Molotov sans cocktail? La souris se déplace, elle se bouge à ta place. Noir Désir, 21 grammes, Black Maria, No One Is Innocent, belle caution rock en langue française, mais je pourrais enchaîner avec Dionysos, Elista, Agora Fidelio pour vous prouver la qualité de la scène rock française. Oui, mais voilà, Stereophonix vient de sortir un nouvel album et comme d'habitude, une perle s'y trouve. What's mine is yours, I'm knocking at your door, just Nouvelle perle des Stereophonics, après le Maybe Tomorrow, ils nous envoient le magnifique Do You Feel My Love, et bizarrement, en les écoutant, je repense à un vieux titre des années 90, les grands bretons de Supergrass chantaient Mary. Yeah. On est en 98 ou 99, je crois bien, pour écouter Supergrass qui chantait alors Marie dans un album, à écouter absolument. Les années 90, c'est aussi les années du rock grunge, et à l'origine du grunge, il y avait le groupe américain You Scourge You, qui a inspiré tous les autres groupes rock des années 90. Bob Mould, ex-leader des You Scourge You, est revenu au début des années 2020 avec un album sublime où pas un morceau ne dépasse 3 minutes, il y alterne la fougue de American Crisis à la douceur de Forecast of Rain avec Maestria. Yeah. Et parmi les groupes qui s'inspirent de Use Your Joke, il y a eu bien évidemment Nirvana, dont le premier album s'inspire clairement du groupe de Bob Moon. Nirvana qui, dans son second album, trouvait sa propre voix avec ce titre. Alors on parlait des descendants de Use Your Joke et nous évoquions les défunts Nirvana. Enfin défunts, pas tant que cela car Dave Grohl, ex-batteur du groupe de Seattle, a relevé le flambeau avec ses Foo Fighters. Keep you in the dark. vous trouvez que les Foo Fighters vont pas assez fort, alors je vous envoie tout de suite le boss. Foo Fighters de tout à l'heure était une petite dédicace à mon pote Pierrot, fou inconditionnel du groupe de Dave Grohl. Le Bruce Springsteen qu'on vient d'écouter, c'était juste pour mon plaisir. Par contre, le Billy Idol qui arrive, pas sûr que Pierrot valide. Come on, it's a nice day for a white wedding. Ooh, yeah, nice day to start again. in my world. There ain't nothing sure in this world. There ain't nothing pure in this world. I look for something left in this world. RVR, mais pas d'inquiétude, si vous ne reconnaissez pas les titres qui passent, foncez sur la page Facebook, vous y retrouverez toutes nos playlists. My head, not ce petit truc que je viens de vous offrir, c'était Pink Turns Blue, qui en 87 nous chantait After All. Je ne sais absolument rien de ce groupe, si ce n'est que j'adore ce titre comme j'adore le Hey Hey de Other Lives, issu de leur album For Their Love, sorti en 2020. Et après le magnifique Hey Hey de Other Lives, j'espère que la Britpop des années 90 ça vous parle, sinon changez vite de fréquence. C'était donc l'avant-dernier morceau du soir. Le groupe, c'était Blur. Le morceau, c'était Songs To. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai passé une excellente soirée. Mais je crois que c'est bientôt le moment de nous séparer. Alors, je dois choisir quelque chose pour se dire au revoir. J'aime bien les Pixies, mais pas forcément le titre que vous attendez. Si vous écoutez régulièrement Pop & Rock, vous rappelez certainement du morceau Gouge Away. Donc on va se faire celui-ci, donc les Pixies, Gouge Away. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. If you want to